Question 36. Le feu est au rouge depuis un long moment. Je peux m'avancer doucement et passer avec prudence. Oui, réponse A. Non, réponse B.